Sérieux, laisse-moi te croquer dedans. J'ai trop fait le gland à vouloir stopper le vent. Est-ce que tu crois que tous les deux on pourrait sauver ce plan ou quoi? Laisse-moi te goûter. Viens après on se carapate. Et fais-moi douter, laisse-moi t'écouter. Viens me raconter que la terre est plate. Dis-moi que la vie est belle et je te croirai. Pour toi j'aiguiserai le fer et je le croiserai. Tant qu'à squatter ma tête, ne veux-tu pas squatter mon lit, ma jolie, toute la soirée? La place pour toi dedans, y'a même la place pour trois t'entends, mais c'est toi que j'attends. Tu sais très bien que je rappe pour le lore et que pour le reste j'ai pas le temps. Va falloir que tu m'aides un peu. Va falloir que tu m'aimes un peu. Si tu veux monologuer, j'ai trop de niveau. J'aurais pu être homologué par l'acteur studio. Tu te rendras même pas compte si je décroche, c'est promis. Je te mettrai pas la honte si t'es plus moche que tes amis. Et puis je m'en fous des normes, t'es tout juste appétissante. Je suis sûr que tu penses que t'es énorme. Bien sûr ça compte les formes, mais ton sourire m'aurait suffi. Donc je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour te succomber. Appelle-moi car je suis tombé dans un putain de précipice avec toi. Appelle-moi et je me précipite. Où tu veux, appelle-moi comme tu veux pourvu que tu me ressuscites. Car je suis comme mort ou sous l'emprise d'un sort. C'est pourquoi je te sollicite. Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aimes un peu. Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aimes un peu. Je vais pas décrocher la lune. Non mais tu m'as vu. Je suis galbé comme une alude, voire une alu. J'ai tellement pas de muscles, t'es pas sûr que je suis là. Tellement pas de thunes pour le facture, ça suit pas en fait. J'ai rien d'un type pour toi, mais c'est ça à la fin. Laisse-moi te surprendre à chacun de tes pas. Je pourrais me suspendre à la vie comme un cher, pas cher. Je m'en fais pas plus que ça. Je veux me nourrir avec toi, courir avec toi, mourir avec toi, bébé. Je veux courir avec toi même. Je veux courir avec toi, alors. Sourire avec toi, je veux dire. Je veux mourir avec toi. Et même après, je crois que je veux pourrir avec toi. Comment te dire tous mes sentiments? Comment te dire calmement, gentiment? Et comment finir avec toi sous les draps? Sous les draps. Thank you. tête, mais pas pour traumatiser la planète exacte. Pause, c'est des l'ego trip du rap conscient. Je te laisse décider, j'en ai rien à foutre. J'explose des trucs et des cas, la conscience explose. Et faut-il qu'on passe en caisse comme ça. Qu'est-ce que tu racontes ça? Ça fait des années que je remplis des cahiers de comptes salés de pas constat. Check, test, test des apps comme ça. Comme ta peste, remonter de quoi comme ça. C'est texte, je suis l'ego pour les mecs et les go. Je suis frais comme l'air des têtes comme les mégots. Attends que ça fatigué, magané. Faut dire que je rappe depuis un tas d'années. Sois pas fané si je t'existe. Avant que mon existe, me préparais déjà à cela. J'ai pris de l'âge, j'en ai fait du trajet. Vu mon frère cagé, ça m'a peut-être un peu enragé. Mais moi je suis sage, il a fallu tourner la page. Et la petite voix qui me disait vas-y ferme ta gueule et nage. Elle est passée pour la dernière décennie décimée. La destinée que je m'étais dessinée. Les dessins animés, les permissions de minuit. Mon cœur d'enfant a maintenant 28 ans et demi. Et je suis agacé, abîmé, fracassé. Je suis tracassé, faut pas passer. Tout ce qui est prétendu, c'est temps. Thank you. Thank you. Thank you.